faire long, Madame Onkelnes. Hein. Nous sommes assez pressés, nous attendons. Nous sommes attendus à l'ONU avec impatience. Bonjour. Oui, merci. C'est bien. La difficulté qu'on a à présent, c'est qu'on est face à une paupérisation. Attends, Kevin, s'il te plaît. Ah oui, donc on me dit que vous êtes... Ah bon, ouais, pas de soucis. Oui. Voilà, nous avons lu ce courrier qui est un petit peu abîmé maintenant devant le siège et nous demandons à Élodie Ripoll de le signer ou de ne pas le signer selon notamment son évaluation de la situation. Et mais peut-être que vous pouvez signer en son nom. Ça nous alors très on fait mieux, de pouvoir revenir lundi. On fait mieux que de signer. On a déposé une proposition de loi disant ça. Donc on est passé simplement de l'incantation aux actes en déposant une proposition de loi et en nous demandant qu'elle soit parmi les priorités du PS, puisque vous savez qu'au Parlement fédéral, chaque parti a droit à dire quelles sont ses priorités et le PS a choisi cette proposition de loi comme étant sa priorité. C'est très bien, mais nous étions au courant. La chose que nous demandons, c'est si effectivement Élodie Ripoll signera cette lettre et donc va s'engager à demander au mandataire du parti à déposer et défendre des motions à tout le niveau de pouvoir où il se trouve, demandant l'abrogation de cette mesure. Donc il n'y a aucun problème puisqu'il a déjà été plus loin que cela. Donc il peut signer sans aucun problème. Qui peut le plus, peut le moins, comme on dit. Je ne sais pas s'il signe ou pas. D'accord. Je dis simplement, il est d'accord avec ce que vous demandez. Et il a déjà fait en sorte que l'on dépose une proposition de loi en la matière. Mais je dirais que... Mais je vous dirais que... J'estime qu'il faut aller plus loin. Attends, oui, je suis d'accord, déposer des propositions de loi, c'est important. Vous l'avez fait, on vous en sait gré. C'est très très bien. Oui. Donc vous pouvez très bien signer ce papier, parce que pour nous c'est important de montrer qu'en tant que chômeur, on a pu faire un papier qu'on vous a fait signer pour une démonstration politique, qui est une intégration... Je vous promets de demander au président de parti... Mais vous-même peut-être... Je n'ai aucun problème, enfin, j'ai signé la proposition de loi. Puis-je vous dire que c'est très important de signer cela, évidemment, d'aller dans ce sens-là, mais que ce n'est pas suffisant, parce qu'on sait que cette proposition... là, ne sera pas voté par la majorité. Oui, nous sommes quand même dans l'urgence actuelle, oui, parce qu'il y a une paupérisation croissante de la population. Oui, mais attends, je suis totalement d'accord avec vous. Mais ça devient très urgent, il y a des exclusions qui se font de plus en plus. Mais il y a une majorité et une opposition, et donc on sait bien qu'au niveau du gouvernement fédéral, ils vont refuser d'avancer, puisqu'ils ont même été plus loin de ce qui avait été décidé. Donc, ce que moi j'ai demandé... La tradition lutte sociale, le PS, c'est une capacité d'organisation, donc... On se fait pleinement confiance dans les locales dans les pour organiser. Oui, mais attends, nous sommes dans l'opposition fédérale. Merci. Merci. Donc, au niveau fédéral, on est demandeur par priorité d'annuler ça. OK ? Donc, c'est fait. C'est déposé. On le considère comme priorité. C'est fait. Est-ce que cela va passer ? Moi, je n'ai pas envie de dire le travail du PS est terminé puisqu'il a déposé cette proposition et dit qu'il est d'accord avec ce que vous demandez. Ce serait un petit peu... démagogique. Je n'ai pas envie de faire de la démagogie. Donc je dis qu'à côté de cela, c'est-à-dire à côté du travail pour que ce soit annulé, il faut faire un travail là où nous sommes, dans les régions, où là nous sommes dans la majorité, pour faire avancer, parce que ce qui nous intéresse, vous, mais nous aussi, c'est la situation dans laquelle se trouvent les jeunes qui voient la fin de leur allocation d'insertion ou voir l'avenir bouché en termes d'allocation d'insertion. Et donc, dans ce cadre-là, on a mis sur table au niveau du PS des démarches positives et pas seulement dire non au fédéral, ils vont nous envoyer bouler, c'est de dire, mais tiens, qu'est-ce que l'on peut faire ? Eh bien voilà, moi je propose qu'on en reste ici. Donc une des choses que vous pouvez faire, nous sommes assez pressés parce qu'il pleut. Excusez-moi de vous avoir reçu. C'est très aimable à vous. Mais en fait, nous vous remercions d'avoir fait cet effort. C'est gentil. Mais j'ai signalé à plusieurs reprises à la personne avec qui j'étais en contact que ce n'était pas la peine de s'agiter autant et que nous allions remettre cette lettre. Nous savions que M. Diroupo n'était pas là. Et donc, nous reviendrions chercher cette lettre lundi à midi et demi, signée ou non signée. Et on verra. Et je pense que voilà la chose est claire. Donc, si pour nous, si la chose qu'on attend de vous, c'est celle-là. Et moi, je propose qu'on en reste là. Parce que, voilà, on nous attend dehors, c'est la pluie. Tout à fait, nos camarades sont dehors. C'est une discussion qu'on va avoir, de toute façon. Pour nos camarades. Je pensais qu'on allait avoir une discussion. Madame Gönix, merci en tout cas. D'accord, madame. Peut-être que monsieur va continuer à discuter. Il n'y a pas de souci. Merci de votre réception, de votre bonne volonté, madame. Comment sortons-nous ce temps-là? Ben on attend, ça fait rien. Ah, c'est bon. Attention, les gars. Vous enregistrez quoi? Monsieur Kevin veut parler, pardon, je ne sais pas qui veut parler. Kevin veut parler. Je ne sais pas. Ouais, on va attendre. Mais faites-le venir, Kevin. Fais-le revenir. On va attendre nos camarades. Ouais, ouais. Ils ont tous les deux besoin de parler. Voilà, l'important c'est que nous on aille tous ensemble. Bon, ouais, là aussi. Il y a Merci beaucoup.